lecture de DJ Rebelle pour audiocité.net, conversation d'une petite fille avec sa poupée de Sophie de Renéville, histoire de Céleste. Céleste était fille d'un grand seigneur qui voulut lui-même veiller à son éducation. Céleste avait une figure charmante, mais c'était le moindre de ses avantages. Excellent naturel, docilité, amour de l'étude, générosité, sensibilité exquise, discrétion, piété filiale, patience héroïque dans la douleur, élévation d'âme, cette étonnante petite réunissait tout. Elle avait toutes les perfections. Le père et la mère de Céleste passaient une très grande partie de l'année à la campagne. Parce que la santé chancelante de Madame Davrier l'exigeait, c'est pourquoi son mari, homme très instruit, se faisait un plaisir de seconder le précepteur de ses enfants en leur donnant lui-même d'excellentes leçons. Céleste avait deux frères, beaucoup plus jeunes qu'elle, et dont elle s'occupait comme la mère la plus tendre. Assise tranquillement avec sa poupée, elle les surveillait ou se mêlait à leurs jeux avec une complaisance charmante. Douée des plus heureuses dispositions, Céleste ne pouvait manquer d'être parfaitement instruite, ayant son père pour instituteur. Elle apprit la musique et le dessin pour lui servir de délassement, mais sans avoir le projet de perfectionner ses talents, parce que malgré sa jeunesse, toutes les heures de la journée étaient prises et qu'elle avait peu de temps à leur donner. Céleste avait le bonheur d'avoir une excellente gouvernante, sage, laborieuse, adroite, qui lui apprit à faire plusieurs ouvrages de son sexe. Bientôt, cette jeune personne broda 1000 jolies choses pour ses parents et pour elle-même. Et quoiqu'elle eût une femme de chambre, elle se coiffait et s'habillait seule, en disant qu'on avait reçu de la nature des mains pour s'habiller, comme des pieds pour marcher. Bien loin d'être à charge aux domestiques, Céleste donnait tous ses soins à ses jeunes frères et leur servait de gouvernante. Elle manqua même d'être la victime de son dévouement pour eux. Céleste avait coutume d'aller tous les jours avec ses frères et sa gouvernante dans une campagne voisine de leur château. Les enfants jouaient sur l'herbe, cueillaient des fleurs dont Céleste formait des guirlandes, et la gouvernante, tenant un livre, l'oubliait le plus souvent pour admirer l'innocent badinage de ses aimables enfants. Pendant une absence que fit Monsieur Davrier, Céleste proposa à sa gouvernante d'aller se promener dans un grand bois, à une demi-lieue du château pour y goûter avec ses frères. Le jour pris pour cette partie de plaisir, le temps étant superbe, la petite société se mit en marche avec la gaieté de cœurs satisfaits qui volent à de nouvelles jouissances. Rendue au lieu désiré, la petite famille s'assit en rond sous un chêne touffu et fit un repas champêtre qui lui parut délicieux. Pendant que ces aimables enfants se livraient sans contrainte à toute la folie de leur âge, le ciel s'obscurcit et le tonnerre se fit entendre. Aussitôt les jeux cessèrent et tous s'empressèrent de chercher un abri. À peine furent-ils hors de la forêt qu'il s'éleva une tempête effroyable. Un vent impétueux déracina les arbres. L'air était obscurci de feuilles et de poussière. Les enfants ne voyaient pas devant eux. Poussés en un sens contraire par la force du vent, la petite famille s'armait de courage. Mais il l'abandonna tout à fait quand elle entendit au loin voler en éclats les cabanes des paysans et qu'elle vit la foudre tomber à ses pieds. Les enfants épouvantés sentirent leurs genoux se dérober sous eux. La frayeur les saisit tellement qu'il leur fut impossible d'avancer. Cependant, il fallait se hâter. La pluie qui ne tombait pas encore menaçait de les percer jusqu'aux os. La gouvernante prit l'aîné des garçons dans ses bras et Céleste le cadet. Ainsi chargée, elles s'empressèrent de regagner le château. Mais bientôt une pluie semblable à un déluge inonda les champs et en fit une espèce de lac. Céleste et sa gouvernante, ayant leurs vêtements trempés, marchaient dans l'eau sans savoir où porter leurs pas, car les chemins, les plaines, les prairies ressemblaient à une vaste mer dont on ne voyait pas l'issue. Pour comble de malheur, avant d'arriver au château, il fallait passer un ravin qui alors se trouvait grossi considérablement par la pluie d'orage. Céleste et sa gouvernante sentirent la nécessité de le passer avant qu'il augmentât. Elles y entrèrent avec courage, luttant contre les flots et oubliant le danger qu'elle courait, pour ne s'occuper que des enfants, qui, extrêmement effrayés, se débattaient et jetaient les hauts cris. Près d'être engloutie 20 fois dans ce gouffre, Céleste ne perdit point la tête. Elle sortit du ravin, exténuée de fatigue et toute trempée, et regagna la maison avec ses frères, mais dans quel état, grand Dieu! Dès qu'elle fut reposée, elle eut une fièvre brûlante, avec des accès de transport. Elle s'écria alors: Ne soyez pas en peine, mon papa, maman, j'ai sauvé mes petits frères, ne soyez pas en peine, je me porte bien aussi. Mais cette chère enfant était attaquée d'une fluxion de poitrine qui fit craindre pour ses jours. Quelle douleur pour son père et sa mère! Cette fille chérie qui devait être l'ornement et la consolation de leur vieillesse allait peut-être leur être ravie au moment où ils connaissaient tout son mérite. Malgré ces pensées déchirantes, monsieur et madame Davrier eurent le courage de modérer leur affliction pour que Céleste ne se doutant pas du danger où elle était. À force de soins, la chère enfant se rétablit. Elle fut plus que jamais la gouvernante de ses frères, sur lesquels elle croyait avoir acquis des droits depuis l'aventure de la forêt. Céleste leur apprit à lire. Jusqu'à l'âge de 8 ans, ils n'eurent point d'autres instituteurs. Il fallait voir la patience de cette jeune personne, sa douceur, sa complaisance pour ses élèves. C'était un coup d'œil ravissant. Ces deux petits avaient un bon cœur. Ils s'attachèrent à Céleste, et leur docilité la paya amplement des peines qu'elle se donnait pour leur éducation. Il aurait fallu qu'ils fussent bien ingrats pour ne pas aimer une si bonne sœur, qui, toujours prête à les excuser lorsqu'ils étaient pris en faute, leur évitait le long du jour toutes sortes de petits chagrins par sa prévoyance tendresse. Une bonne conduite trouve tôt ou tard sa récompense. Céleste eut dans ses deux frères des amis solides qui ne l'abandonnèrent jamais. Heureuse par les auteurs de ses jours qui la chérissaient et par l'affection sincère de ceux qui lui devaient tout, cette jeune personne n'eut rien à désirer. Outre cela, elle jouit de l'estime des honnêtes gens, chose précieuse pour ceux qui ont un peu d'âme. « C'est déjà fini, maman ?» dit Mimi à madame Belmont. « Oui, ma fille. Comment trouves-tu Céleste ?»« Ah, c'est une demoiselle bien aimable. Je voudrais qu'elle fût de mon âge, j'en ferais ma petite amie. Mais tu n'aurais pas ta belle poupée. » « J'en aurai une autre, pas aussi belle, car je regrette beaucoup l'argent employé à ces sortes de choses. « Eh bien, maman, je m'amuserai de même avec une poupée ordinaire, et j'aurai une amie qui m'apprendrait à être bonne comme elle. Vous seriez toujours contente de moi. « Viens m'embrasser, ma chère enfant. Ta réponse me prouve que mes peines ne sont pas perdues et que ton cœur est excellent. Tu es une aimable petite fille. » Lorsque Céleste tomba malade, il y avait longtemps qu'elle ne jouait plus à la poupée. Ses frères prenaient une grande partie de sa journée. Le reste était pour l'étude. Si cette bonne sœur avait un moment de loisir, elle le donnait encore à ses chers élèves, en se mêlant à leur jeu et en se mettant à leur portée pour leur plaire davantage. Céleste donna sa poupée à la fille du receveur de la ville, où elle demeurait, comme une preuve de son amitié pour elle, et une récompense des belles actions que l'on citait d'elle chaque jour.